بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فسنرى في هذه الليلة المباركة كتابا مهما جدا وهو صغير الحجم وكثير الفائدة ألا وهو ثلاثة الأصول. Donc nous allons voir ensemble avec l'aide d'Allah Azza wa Jal un livre important, court mais très important, qui s'intitule « Les trois fondements » ou « Les trois bases » que vous connaissez réellement ou certainement tous. « Fayabda bil mu'allif bi bismillah » « Le mu'allif bada bi bismillah ar-Rahman ar-Rahim » « Fabada bil basmala iqtida'an bi kitabillahi azza wa jal » « Fa innahu mabdu'un bil basmala wa tiba'an il hadith » كل امرئ ذي بال لا يبدا فيه ببسم الله فهو ابتاع واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يبتدي كتبه ببسمله يبتدي الكتب بالبسمله. Donc dans ce livre qui est important, le mu'allif, donc l'écrivain, a commencé par bismillah ar-rahman ar-rahim. Et le fait de commencer par Bismillah, au nom d'Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux, c'est afin bien sûr de faire comme Allah Azza wa Jal le fait lorsqu'il commence les sourates. Allah commence et donc départage les sourates par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, chaque chose importante qui ne débute pas par Bismillah est coupée, il est arrêté. Donc il va trouver quelque chose qui va... C'est-à-dire il n'y aura pas de baraka. Ça va s'arrêter quelque part et ça sera vain. Ça ne va pas arriver à son but. فَهُنَكْ فَيْدَةً لَمَا قَالَ الْمُؤَلِّفْ بِسْمِ اللَّهِ الْفَيْدَةَ الْأُولَى هِيَا تَبَرُّكُ بِالْبَدَأَ بِبِسْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ. Donc pourquoi... Donc il y a ici deux bénéfices à commencer par le Bismillah. La première, c'est de demander à la baraka, la bénédiction de la part d'Allah Azza wa Jal lorsqu'on commence par Bismillah. Et aussi, deuxièmement, c'est Bismillah. Ada liman ya'rif al-lugha li'ifadat al-hasr. C'est qu'en réalité, c'est spécifique. C'est que pour Allah, la baraka, au nom d'Allah. Ce que je fais, c'est que pour Allah. Donc pour ceux qui connaissent la langue, ils comprennent pourquoi on commence par Bismillah. Et Allah, lorsqu'on dit Bismillah, lorsqu'on dit Allah, on sait que c'est Alam, Alal Bari, Jalla wa Ala, wa Hawal Ismu al-Ladi, Tatba'u Jami' al-Asma, Hatta Annahu, Fi Qawli Ta'ala, Kitabun Anzalnahu Ilayka, Litukhrijan Nasa min al-Dhulumati ila an-Nur, Bi'idni Rabbihim ila Sirat al-Aziz al-Hamid, Allahu al-Ladi lahu ma fi samawati wa ma fi al-Ard, wa walu lil-Kafirina min azabin shadid. Donc ici, Allah, donc c'est un nom. Donc, et on a vu hier que tous les noms découlent de ce nom-là. C'est le nom d'origine de base. Et tous les noms d'Allah reviennent à ce nom-là. Et Allah Azza wa Jal dit dans Surat Ibrahim, du verset 1 ou 2, un livre dont nous avons fait descendre vers toi, afin que tu sortes les gens des ténèbres vers la lumière, avec la permission de leur Seigneur, vers la voie du puissant et du loué. Celui qui a dans les cieux et sur la terre, hein, donc celui dont tout appartient, Allah, celui dont tout ce qui a dans les cieux et sur la terre lui appartiennent, et malheur aux mécréants d'un châtiment douloureux. Donc alors ici, c'est pour montrer le nom Allah ici. Allah alladhi lahu ma fis samawati wal ard. Donc ici, le témoin argumentatif, c'est Allah. Aussi, Ar-Rahman, donc c'est un nom parmi les noms d'Allah Azza wa Jal. Ismun, min asma'illah Azza wa Jal, al-muqtassa bihi, wa la yutlaku ala ghayrihi, wa Ar-Rahman ma'nahu al-muttasifu bi-Rahma al-wasi'a. Donc Ar-Rahman, c'est un nom d'Allah Azza wa Jal, khasa billah Azza wa Jal, spécifique à Allah Azza wa Jal. Personne ne peut s'appeler Ar-Rahman. Et Ar-Rahman, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que ce mot veut dire? Ce mot veut dire que c'est celui qui est doté d'une miséricorde qui est large, ça Ar-Rahman, une miséricorde qui est quoi, qui englobe toute chose. Et Ar-Rahim yutlaku ala Allah azza wa jalla wa ala ghayrihi, tandis que Ar-Rahim, miséricordieux, c'est pour Allah mais c'est aussi pour autre qu'Allah. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah a dit qu'il était justement aussi miséricordieux. ومعناه ذو الرحمة الواصلة ذو الرحمة الواصلة يعني تتعدى إلى غيره. Lorsque tu es gentil à quelqu'un, lorsque tu es miséricordieux à quelqu'un, donc ta miséricorde elle touche quelqu'un. C'est ça le Rahim. Le Rahman c'est le nom d'Allah, sa miséricorde elle englobe toutes choses. Mais le Rahim c'est à dire qu'elle elle va toucher les gens. C'est pour ça que le Rahim en général on retrouve toujours quelque chose qui est appris. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. On ne va pas dire وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحْمَنًا. On ne va pas dire ça. On va dire Rahima. C'est-à-dire que la miséricorde, ça, là c'est un acte. Là c'est un fi'l. Rahim bil fi'l. C'est ça que ça veut dire. Rahim, miséricordieux par l'acte. Et cette miséricorde, elle va toucher. Elle va arriver, donc elle va arrêter, se propager pour toucher ceux qui méritent cette miséricorde de la part d'Allah Azza wa Jal. فالرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة فإذا جمع صار المراد بالرحيم الموصل الموصل يعني رحمته إلى من يشاء من عباده كما قال تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون نصرة العنكبوت في سمتين. Donc ici, on voit bien que Rahim, hein, Rahman, c'est Rahman, la miséricorde qui englobe toute chose. Rahim, celle qui va être précise pour une catégorie de personnes. Et Allah dit, dans Surat Al-Ankabut, verset 21, il châtie qui il veut, il fait miséricorde à qui il veut. Et vers lui, vous allez retourner. Et vers lui, vous allez retourner. Après cela, il dit, I'alam, rahimakallah. I'alam, rahimakallah. Sache. I'alam. Sache. Ou l'ilm, ma ma'na al-ilm. Huwa idraku shay'in ala ma huwa alayhi idrakan jaziman. De connaître, ou d'avoir la connaissance, ou la science, englober une chose, hein, comme elle est précisément, avec certitude. C'est en vérité, tu es sûr que cela veut dire cela. Tu connais quelque chose parfaitement, avec certitude. C'est ça en vérité l'ilm, d'avoir la connaissance de quelque chose. Tu as la connaissance que ça c'est du verre, de façon certaine. Donc tu as la science totale que ça c'est du verre. L'ilm yani lahu maratib, sept étapes. La science a six étapes. On va retrouver ici six étapes pour la science. Al-martab al-oubla. Al-ilm. Donc c'est justement. Donc là on est par rapport à maratib al-idrak, afwan. Et c'est pas maratib al-ilm, maratib al-idrak. Al-idrak c'est le fait d'englober, de savoir quelque chose comme il le faut. Donc on peut savoir des choses de façon différente, ou parfaitement ou pas. Et là il y a six points différents, six étapes différentes. Al-martab al-oubla, il y a al-ilm. Donc on l'a dit déjà auparavant, wa huwa. إدراك شيء على ما هو عليه إدراكا جازما. De savoir quelque chose est exactement est réellement comme tu le vois, comme tu le sais. Et en vérité, tu as raison. Tu es sûr que cela est comme ça et tu as bon. Tu as bon. Donc, avec bien sûr une certitude. الثانية الجهل البسيط. الجهل البسيط. وعدم الإدراك بالكلية. Donc, ce qu'on appelle ignorance simple. Ignorance simple. Et qu'en vérité, tu connais la chose, mais tu ne la connais pas parfaitement. Tu ne la connais pas dans sa totalité. C'est comme si tu me disais, mas'alat, hein, le mas'al al-khoufain, je sais que c'est halal, je sais que c'est que ça, je sais que le matin, celui qui est en résidence, il peut le faire un jour, mais je ne sais pas si, combien de jours il peut faire pour celui qui sera en voyage. Donc à ce moment-là, ça serait le jahil basit. Parce qu'il connaît une partie du sujet, mais il ne connaît pas tout le sujet. C'est un exemple. Donc ça, on appelle ça al-jahl al-basit. Il connaît un sujet, mais il ne le connaît pas, comme on l'a dit, complètement. Il ne connaît pas en vérité dans sa globalité. Al-jahl al-basit, donc l'ignorance simple, simplifiée, elle est simple. Et après, il y a al-jahl, troisième étape, c'est al-jahl al-murakkab. Lorsqu'on parle de tarkib, c'est quelque chose qui est posé sur quelque chose d'autre. Murakkab, hein, c'est quelque chose qui est sur quelque chose d'autre. Lorsqu'on dit Ismoun Murakkab, si tu quelqu'un qui s'appelle Mohamed Saïd, un exemple, on va dire Ismoun Murakkab. De, il est composé de Mohamed et de Saïd. Ici, c'est Huwa idraku shay'in ala wajhi yukhalifu ma huwa alayhi. Lui, il croit en vérité connaître la chose, mais en vérité, il s'est totalement trompé. Il pense que cela, c'est ça, mais en vérité, c'est totalement le contraire. Il ne sait pas, il se trompe. On appelle ça al-jahl al-murakkab. Il est ignorant, mais il ne sait pas qu'il est ignorant. Il croit que quoi ? Qu'il est savant. Donc, il y a, non seulement il est ignorant, mais en plus, il est ignorant de son ignorance. Tandis que l'autre qui était ignorant des trois jours, il est ignorant, mais il sait qu'il est ignorant. Il sait, lui, qu'il ne connaît pas le sujet. Donc, c'est moins grave. Parce que des fois, c'est plus grave, en vérité, de se tromper et de penser que tu as raison. Que tu penses, en vérité, tu penses que quoi ? Ben, que tu as, en vérité, tu as totalement raison. Alors qu'en vérité, tu as totalement faux. Tu es, en vérité, comme on dit, à l'ouest. Si on peut voir ça comme ça. Rabi'a, al-wahm. Al-wahm, donc, c'est quelque chose qui, en vérité, douteux. Alors, on va dire qu'il y a du brouillard. Huwa idraku shay'in ma ihtimal did rajih. Donc le wahm, je doute et je pense en vérité que je crois que c'est ça, mais je pense que le contraire c'est ça la vérité. Je suis plus persuadé que le contraire c'est ça. Là tu crois que c'est ça, mais il y a l'ihtimal que quoi, il est possible que le contraire c'est lui la vérité. Il est possible que le contraire c'est la vérité. Donc tu crois, tu connais ça, mais c'est possible, Allah a'lam, que le contraire c'est quoi, c'est la vérité. Là c'est le wahm, il y a un wahm. Après, échec, c'est pas pareil que échec, c'est pas le doute là. C'est en vérité, tu vois quoi, il y a une ambiguïté. C'est pas un doute. Ici, échec. Ou idraku shay'in ma ihtimal musawin. Échec, je ne sais pas. Ou ça, j'en sais rien, un des deux. Allah Alam, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Donc, c'est pas pareil que l'autre. Là, tu crois que c'est ça, mais tu penses que l'autre, c'est sûrement le bon. Là, non, tu sais pas. Tu es en vérité à l'équivalence. C'est peut-être le A qui a raison, c'est peut-être le B qui a raison. Donc ça, c'est un échec, c'est un doute. Sadisan, sixièmement, van. Là aussi, on va utiliser le mot doute, hein, parce que des fois, il n'y a peut-être pas le synonyme exactement, peut-être en français ou quoi. Ou idra kouché ma ihtimal didi marjouh. Là, tu van, t'as un van. J'ai deux situations, j'ai deux sujets, mais je pense que le sujet A, c'est lui qui est réel, c'est le bon. Et le B, je suis plus persuadé que c'est le A qui a raison. Donc je vais vers le A, je penche vers le A, je laisse le B. Mais avec doute, toujours avec quelque chose. Il reste quelque chose. Ça, c'est pas un échec, c'est un vent. Je pense que. Ça, tu crois que. Et c'est pas que je doute. L'autre, tu as douté. Là, c'est pas un doute en vérité, mais tu penses que lui, quoi, que c'est lui qui en vérité, que le A qui a raison. Et le B, c'est pas celui qui a raison. C'est pas celui-ci qui en vérité qui a raison. Donc ça c'est par rapport au ilm. Donc on va reprendre, il y a l'ilm, el jahl el basit, el jahl el murakkab, el wahm, el shak, wa al-dhann. Il y a six points. En vérité, c'est l'ilm, il est comme ça. Et en vérité, tu pourras jamais sortir de ces situations, ces six situations dans tout ce que tu fais dans ta vie. Tout ce que tu fais dans ta vie, tout ce que tu veux savoir dans les sciences, dans n'importe quelle science, religieuse ou pas, tu es obligé de passer par ces étapes-là. Hein, tu vas te retrouver dans une de ces six. Imagine, tu dis dans la prière du voyage, hein, la prière du voyageur. Est-ce que tu es à la ilm ? Est-ce que tu es à la shek ? Est-ce que tu es à la van ? Est-ce que tu es à la jahl murakkab ou bien jahl basit ? Donc tu es dans un de ces six, tu ne peux pas sortir d'un de ces six points. Voilà en vérité comment la science, en vérité, elle est les étapes de la science ici. Et la ilm, bien sûr, yan qasimu et la qismain. La science, elle est composée de deux. Elle est divisée en deux. Daruri wa nazari. Daruri wa nazari. Fadaruri ma yakunu idrak al-ma'lumi fihi daruriyan bihaythu yattaru ilayhi min ghayri an-nazar wa al-istidlal kal ilmu bi anna an-nara hara مثلا. Donc daruri, c'est quelque chose que tu connais par la force des choses. Par la force des choses. Par exemple, donc tu n'as pas besoin en vérité de dalil pour cela, tu n'as pas besoin d'une science, on n'a pas besoin de t'écrire un texte pour cela. Tu sais que le feu c'est chaud, tu sais que la neige c'est froid, par en vérité expérience de la vie depuis tout le temps. La force des choses fait qu'on sait ça, on appelle ça al-ilm ad-daruri. On sait que le feu brûle, on sait que le feu c'est chaud. Dès qu'il est petit, le petit le sait assez rapidement. On navari, hein, là où il est demandé de regarder, malahtaju ila nazar wa istidlal. Là, à ce moment-là, il y a besoin de preuves. Il y a besoin qu'on nous prouve de cela. Si maintenant quelqu'un disait, mon père est mort, rahmallah, il a laissé une maison, il nous a laissé 35 000 euros, c'est un exemple, il nous a laissé une terre, il nous a laissé ceci, il y a ma mère qui est sur existence, il y a moi et trois frères, il y a deux sœurs, comment on doit partager l'argent? L'héritage, qu'est-ce qu'il faut à ce moment-là? Il faut revenir au texte, il faut revenir aux preuves. Donc là, c'est à ce moment-là, c'est quoi? C'est Navari. Bil-istidlal, c'est l'ilm al-nazari. À ce moment-là, on a besoin de quelque chose pour s'appuyer à ce qu'on va dire. Comment on va départager, selon la loi d'Allah Azzajal, par exemple, cet héritage. Un exemple, parmi tant d'autres. Et aussi, parmi les exemples que je cite ici, hafizahullah wa rahimah, il dit al-ilmu bi-ujub al-niyya fil-udhu. Ça, il faut avoir l'intention pour faire les ablutions. On ne l'a pas inventé, ça. On l'a su par les Adillah, par le Dalil. Donc on ne l'a pas inventé. Donc là, il y a une science, on a regardé, on a vu que c'est vrai. Pour pouvoir faire ces ablutions, hein, donc il faut quoi? Il faut la niya, il faut l'intention. Il faut l'intention pour que l'ablution soit acceptée. Lorsqu'il dit ici, Shir, Rahimakullah, qu'Allah te fasse miséricorde. إن أفاد عليك من رحمته التي تحصل بها على مطلوبك وتنجو من محذورك والمعنى غفر الله لك ما مضى من ذنوبك ووفقك وعصمك فيما يستقبل منها. Lorsque tu dis رحمك الله, c'est qu'Allah va te répandre sur toi la miséricorde qui va t'amener à ce que tu as besoin dans ta vie, dans la vie d'ici-bas et dans l'autre bas, de ce que tu as besoin, de ce que tu recherches de bien. Et aussi afin que tu t'éloignes et tu te protèges de ce qui est mauvais, de tout ce qui est mauvais. Et le ma'na, qu'Allah te fasse miséricorde ou qu'il te pardonne, qu'Allah te pardonne des péchés que tu as commis auparavant. Et qu'Allah te protège et te donne la réussite de ce que tu vas faire dans l'avenir. C'est ça que ça veut dire en vérité, qu'Allah te fasse miséricorde. Qu'il te fasse miséricorde des péchés que tu as commis auparavant et qu'il te fasse de miséricorde en te donnant la réussite pour ce qui est de l'avenir, ce qui va à devenir. وَهَذَا إِذَا أَفْرَادَتُ الرَّحْمَةِ أَمَّا إِذَا قَرَّنَتْ بِالْمَغْفِرَةِ فَالْمَغْفِرَةُ لَمَا مَضَى مِنَ الذُّنُوبِ وَالرَّحْمَةُ وَالتَّوْفِيقِ لِلْخَيْرِ وَالسَّلَامَةِ مِنَ الذُّنُوبِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ. Ça, c'est lorsqu'on parle de rahma de façon générale, brute, absolue. Mais si elle était associée avec le pardon, le maghfira, en ce moment-là, on parle maghfira, on parle du passé, et rahma, on parlerait que de l'avenir. Si c'est dans le même texte, mais dans le même contexte, dans la même phrase. Mais si c'est séparé, donc on sait que rahma, en vérité, veut dire rahma et en même temps, t'offrir pour l'avenir. C'est-à-dire maghfira et t'offrir pour l'avenir. Maghfira pour le passé et t'offrir pour l'avenir. Et aussi, bien sûr, lorsque Shir dit ici Rahmakallah, c'est qu'en réalité le Shir, lorsqu'il donc enseigne à l'élève, qu'est-ce qu'il est en train de lui donner? Il est en train de lui donner de la miséricorde. Donc en vérité, le Shir est en train de donner de la miséricorde. Donc Allah te fasse miséricorde de ce que je vais t'enseigner, hein, de ce que tu vas apprendre comme science pour que tu puisses œuvrer maintenant. Donc c'est ça Rahmakallah aussi. Donc il y a une Rahma, écoutez les versets, les hadiths du prophète, les règles religieuses, hein, l'islam quoi, de façon générale, ça c'est une miséricorde que tu es en train de recevoir de la part d'Allah Azza wa Jalla. Donc c'est pour ça qu'il y a rahmakallah. Et aussi il dit ça parce que il y a rahimun, yarhamuhum, rahmal, irhamu min fil ard, yarhamukum min fil sama. Et aussi parce que les miséricordieux les uns envers les autres, le miséricordieux leur fait miséricorde. Donc faites miséricorde à ceux qui sont sur la terre, et celui qui est dans les cieux vous fera miséricorde. Donc il y a aussi pour cela que le Shir il dit ça, rahmallah. Donc ici bien sûr il va dire donc annahu yajib alayna ta'allum mada kam arba'a masail. Ça? Donc il est obligatoire pour nous de connaître quatre sujets, quatre points, quatre sujets différents. المسألة الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة بالأدلة. Donc ici la première chose à savoir c'est de connaître Allah عز وجل. معرفة الله ومعرفة دينه الإسلام نبيه ومعرفة دينه الإسلام بالأدلة. Donc lorsqu'on dit qu'on connaît Allah عز وجل معرفة الله بالقلب وهذه المعرفة تستلزم قبول ما شرعه والإذعان والانقياد له وتحكيم شريعته التي جاء بها رسوله صلى الله عليه وسلم ويتعرف العبد على ربه بالنظر في الآيات الشرعية في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والنظر في الآيات الكونية التي هي المخلوقات فإن الإنسان كلما نظر في تلك الآيات ازداد علما يخالف بخالقه ومعبوده فيقول تعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون dans sourate Al-Dhariyat. Donc le fait de connaître Allah Azza wa Jal, tu vas le connaître par ton cœur et ça va te demander de te soumettre à Allah Azza wa Jal, d'être soumis et être dévot envers Allah Azza wa Jal, d'accepter le jugement d'Allah Azza wa Jal et de ce que a apporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu vas regarder dans les versets qui sont légiférés fi sharia. Et tu vas aussi regarder donc que ce soit dans le livre d'Allah ou dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tu vas aussi regarder dans l'ayat al-kawniya, dans tout la création, les signes d'Allah azza wa jal, les montagnes, la mer, les animaux, tout cela toi-même. Il y a deux façons de voir, Il y a l'ilm al-nazari, nisbat al-kawn, yani al-qasim hada al-ilm al-qasim al-qismain. Al-nafsi wa yani المخلوقات يعني تو regardes en toi-même et en dehors en vérité. Tu regardes toi et tu regardes ce que tu vois en vérité, comme les cieux, la terre, la lune, le soleil, tout cela. Il y a deux façons de voir par rapport à cela. Donc ici bien sûr donc tu vas connaître Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal s'est fait connaître. Il s'est fait connaître par ses actes, il s'est fait connaître par ses ordres et il s'est fait connaître par lui-même, par son essence. D'accord ? C'est comme ça qu'Allah s'est dévoilé à nous dans son Coran. Dans le Coran et dans la Sunna. Bi aqwalihi ou afhalihi bi yani aqwalihi, c'est-à-dire le masharahu, donc par rapport au rite, par rapport à ce qu'Allah a légiféré, par rapport à ce qu'il a, par rapport à ce qu'il fait, par rapport à ce qu'il a légiféré et par rapport à ce qu'il est. Donc ici, si on disait par rapport à ce qu'il fait, c'est tawhid al-rububiyya. Par rapport à ce qu'il a demandé, c'est tawhid al-uluhiyya, donc le fait de l'adorer. Il nous a demandé, il nous a ordonné la prière, il nous a ordonné la zakat, il nous a ordonné ceci, cela. Et aussi, par rapport à ce qu'il est. Il est miséricordieux, il est compatissant, il est bon, il est puissant, il est sage. C'est Allah qui nous a mentionné qu'il était comme ça. Donc il s'est dévoilé par ces trois principes-là. Par le fait qu'il nous a ordonné, par le fait qu'il donne la vie, il la reprend, c'est lui qui a construit, il a créé, tout ça c'est par rapport à ça, c'est ses actes, et aussi par rapport à ce qu'il est. Il est miséricordieux, il est sage, il est puissant, tout cela. Donc ça c'est par rapport à ça, c'est fait. Donc on va connaître Allah par les trois points. Et lorsque je dis Marifat Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, aussi honnête, lorsqu'on dit le fait de connaître le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas juste pour le connaître, mais c'est pour accepter ce qu'il a. Avec quoi ? C'est-à-dire ce dont il est venu avec. Tu dois accepter ce dont il est venu avec. Yani al-Qaboul. Ma ja'abihi nil huda wa dinil haq wa tasdiqihi fima akhbar wa imtithal amrihi fima akhbar. Donc, fima amar. Donc, tu vas bien sûr accepter ce dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté comme guidée et religion de vérité. Donc, l'ilm, l'nafi', l'amal al-salih. C'est ça, ici. Donc, tu vois bien que le huda, ça c'est quoi ? C'est l'ilm al-nafi'. Et din al-haq, c'est l'amal al-salih. L'ilm, al-adhi yanfa'. Donc, c'est une preuve qu'il y a du ilm que la yanfa'. Il y a aussi des sciences qui ne sont pas profitables. Et cela, on n'en a pas besoin. On ne s'en occupe pas. On ne va pas s'arrêter à rechercher. Mathalène, combien de fois il y a le mot waouh dans le Coran ? Combien de fois il y a le mot hada dans le Coran ? Tout ça pour, juste pour ça. C'est pas ça qui va te monter la foi. Et je recherche des preuves scientifiques comme quoi le Coran a raison. J'ai pas besoin des preuves scientifiques pour savoir que le Coran a raison. j'ai accepté. C'est pour ça qu'Allah a dit ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Et il commence ici. Il montre la première caractéristique que l'on retrouve chez les croyants, c'est الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. Tout de suite, dès le début du Coran, c'est ça. Certes, voici certains livres qui est une guidée pour les pieux. Hein, nul doute pour ce livre, une guidée pour les pieux. Et après, hein, pour ceux qui craignent, et c'est quoi? Il dit donc, là, c'est comme si c'était qui sont ceux qui craignent? Voilà le tafsir, il est juste en dessous, tout de suite. Al-ladina yu'minuna bil-ghaib. Et c'est pour ça que Cheikh Issa Ibn Taymiyyah dit, rahmatullah, al-iman bil-ghaib aslul iman. La croyance en l'invisible, c'est l'origine de la croyance. Al-iman billah, wal-malaika, wal-kutub, wal-rusul, hein, wal-qadir akhiri. Donc, ce que, les six piliers que vous connaissez. C'est bien des piliers qui sont de l'invisible. Mais comme tu as cru en ça, donc tu es un croyant. J'ai pas besoin de rechercher après une preuve médicale pour dire que le Coran est véridique. J'ai pas besoin de ça. Ça va m'aider, ça va me renforcer si c'est véridique. Alhamdoulilah, tant mieux si ça correspond. Mais c'est tout. Mais c'est pas ça qui va. J'ai pas, c'est pas l'origine de ma croyance, ça. Ça m'aide, mais ça s'arrête là. Je ne recherche pas qu'après ça. Comme si la foi, ça veut dire que si c'était la foi était recherchée que par rapport aux sciences, alors pendant les générations où il n'y avait pas beaucoup de sciences, ils n'ont pas eu la foi. Tu es en train de dire que toi, si tu recherches comme ça, c'est comme si en réalité tu disais que tu recherchais que les compagnons du prophète, donc ils auraient eu moins la foi. Alors que pour toi, ils avaient la foi bien plus que toi. Et ils ne recherchaient pas par ce biais-là. Par ce biais-là. Mais tu peux le faire. La question, c'est pas l'origine. Mais tu peux le faire, sauf que ce soit l'origine. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jalla qu'a yani, fi haq al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Là, c'est important, parce qu'Allah, il montre qui est le prophète. Et comment on doit respecter le prophète? Et comment on doit l'honorer? Il dit Fala wa rabbika. Non, ou que non, par ton Seigneur, Allah il jure. Wa rabbika la yu'minun. Ils ne seront pas croyants. Hatta yuhakimuka fima shajara bainahum. Jusqu'à ce qu'ils te prennent comme juge sur ce dont ils ont été en discorde. Thumma. Et en plus, il termine pas, il aurait pu terminer là. Là. Thumma. Et ensuite, la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadayta bainahum. Et ils ne trouvent pas en eux-mêmes, hein, quelques gênes dans ce que tu as jugé pour eux. Ils acceptent d'une totale soumission. Hatta fi dakhir. C'est pas, ils vont dire, ils vont le faire, mais oh, j'aurais voulu que ce soit le contraire. Un exemple. Parce qu'il va perdre. Il va perdre 500 euros, il va perdre 200 euros. Le haq, c'est l'autre qui a raison. Il doit lui rendre son morceau de terre. C'est un exemple. Parce que souvent, c'est sur le tribunal, quoi. Hein? Et après, il termine encore à l'Azajel pour encore appuyer. Et il dit Wa yusallimu taslim. Et ils acceptent d'une totale soumission. Ils se soumettent d'une totale soumission. C'est fort. Ce verset-là, il n'est pas comme ça. Il est composé. Il est composé, ce verset. Ils ne sont pas croyants. Jusqu'à ce qu'ils te prennent comme juge. Alors, on va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il dit que c'est le prophète le juge. Et ils acceptent ton jugement. Parce que ton jugement, il est haq, il est véridique. Car un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il juge avec la loi d'Allah. Il n'a pas jugé avec autre loi. Pourquoi tu dis Mohammed Rasulullah? Alors, si tu dis Mohammed Rasulullah, tu dois accepter que c'est ton juge. C'est lui ton juge. C'est-à-dire, par rapport aux humains, c'est lui qui va te montrer la voie. Qui va en vérité te montrer la voie. Qui va t'amener à Allah azza wa jalla. Et aussi. Allah Azza wa Jalla dit, donc il y a d'autres versets encore. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. Certes, la parole des croyants, lorsqu'ils sont appelés à Allah et à son envoyé, afin de juger entre eux, ils doivent dire nous avons écouté et obéi. Ce sont eux qui, hein, donc les bienheureux, ceux qui auront la réussite, les muflihoun, ceux qui vont en vérité réussir. Qad aflaha al-mu'minun, ce sont eux les croyants. Le verset aussi, c'est la yu'minun, nafil iman, de ceux qui ne veulent pas croire. Les muflihoun, de ceux qui veulent accepter. Tu acceptes le jugement, tu es un muflih, tu es un mu'min. Tu n'acceptes pas le jugement, tu n'es pas un muflih, tu n'es pas un mu'min. Tu as un problème dans ta foi, tu auras aussi un problème dans ta réussite. Dans ta réussite. Et le Nabi, et aussi Allah Azza wa Jalla continue, il dit fa in tanaza'tum fi shay'in. Shay, c'est am. Hein? Wajja yani fi siyaq quoi, c'est là où il est quoi. Donc il n'est pas mu'arraf ici. Il est en vérité majhoul. Et il est am, il est général. Donc il veut dire en vérité toute chose. Sagiruhu wa kabiruhu. Toute chose la religion, que ce soit petit ou pas. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. Et après, ذلك خير وأحسن تأويلا. Si vous êtes en discorde sur quoi que ce soit, voyez bien, fichez in, même sur la petite chose, remettez-le à Allah et à son envoyé, si réellement vous croyez en Allah et au jour dernier. Si vraiment vous êtes des croyants, si vous êtes al-mu'minoun, hein, ce que Alladina yu'minuna bil-ghaib, si vraiment vous croyez en Allah au jour dernier, cela est quoi? Est meilleur. Et d'une meilleure aussi interprétation. Parce qu'il y a des gens qui vont t'interpréter, il y a des gens qui vont se faire des fétois. Ils vont dire n'importe quoi. Ou bien tu vas essayer de chercher celui qui va t'intéresser. C'est pas comme ça la religion. La religion, on accepte le haq, même s'il est contre nous. Il sera des fois contre nous. Et on doit l'accepter. Il y aura des fois dans la vie des choses que tu vas aimer, mais c'est pas bien. Tu dois pas le faire. Et on va te le dire, et ben ça sera contre toi, ça là. Ben tu dois accepter. Il faut pas que tu le sentes que ce soit lourd. Il faut l'accepter. Wa yusallimu taslima. C'est meilleur, seul ahsan ta'wil. Car les ta'wilat al-ukhra, laissent ahsan. Les autres explications qui ne sont pas du livre d'Allah et de la parole du prophète, ce ne sont pas les meilleures explications. La meilleure explication, c'est celle d'Allah et celle du prophète. C'est ça que ça veut dire dans ce verset. Et aussi, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah azzajal plutôt, Afwan, continue, il dit, qu'il prenne garde. Ici, ils envoient qu'ils fassent attention, qu'ils prennent garde. Alladina yukhalifuna an amrihi. Ceux qui vont se différencier, ou bien ceux qui vont s'écarter, ou être en contraire, faire le contraire de quoi? De son ordre. An tusibahum fitnatun. Ou yusibahum adabun alim. Que ne leur afflige une turpitude, hein, donc une fitna, ou que leur inflige un châtiment douloureux. وقال الإمام أحمد رحمه الله أتدري ما الفتنة؟ Est-ce que tu sais ce qu'est la fitna? الشرك لعله إذا رد بعد قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. Il dit l'imam Ahmed que le fitna ici c'est le shirk, car il est possible qu'il va rejeter une chose, hein, de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Allah il va entrer justement quoi, l'égarement dans son cœur, et il va se perdre, il va périr. Chouya, il va comme ça. Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu, il avait peur, il a dit de délaisser une seule chose, un yatul caché, fa'alahu nabi sallallahu alayhi wa sallam fayahlak fayazir khaif. Abu Bakr s'est dit qu'il avait peur de délaisser une seule chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, qu'il faisait lui qu'il le délaisse, qu'il s'écarte, qu'il s'égare et qu'il, quoi, qu'il périsse. Juste une chose. Alors que dire de nous? Que dire en vérité de nous qui croyons qu'en vérité c'est juste des paroles, hikayat, on les prend comme les histoires des anciens. Hatta l'imam Malik, lorsque un homme dit je vais prononcer la niya du Masjid Nabawi, de cette mosquée, de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fi al-hajj ayna an-niya alladhi dhahaba ila al-madina ayna yanwi fi dhil hulayfa sah al-masjid hada dhil hulayfa ta'rifunahu, vous connaissez la mosquée dhil hulayfa al-miqat ayna miqat ahli al-madina, c'est dhil hulayfa ba'da yaqulu bir ali lakin dhil hulayfa, donc c'est dhil hulayfa. C'est pas Bir Ali parce que c'est venu après par rapport au Shia, mais c'est pas vrai. Il faut dire Dhu al-Hulayfa. Il faut pas dire Bir Ali. Ça n'a rien à voir. Cette personne a dit l'imam Malik, je vais juste faire la niya avant de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ce ne sont que quelques kilomètres, quelques miles, hein, donc quelques en vérité, une petite distance qui est avant le Dhu al-Hulayfa. L'imam Malik dit ne le fais pas. Arsha Minka al-fitna, j'ai peur pour toi à la fitna. Et après il lui récite le verset fayahdhal alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim. Il y a une bonne niya, lakin hal niya takfi, hal an niya takfi, la ma takfi. Il a eu une bonne niya, yani khalafa mada amra rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait quoi? Il a donc est en contradiction avec l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa atabi shari'atin jadidatin. Il est venu avec une nouvelle sharia. La yajouz. Pourtant c'est innama, hein, il est bad, ami al-faqat. Ce sont quelques miles d'avance, j'ai envie de faire la niya juste avant. Ça ne suffit pas que j'ai envie. Si demain j'ai envie, après moi j'ai envie de prier demain, vol sakraka. Zid Wahda. Yajouz, la Yajouz. Et Danala, il y a des choses qu'ils ont été légiférées. Alhamdoulilah, on les garde légiférées. Et c'est ce qui fait la beauté de cette religion. De continuer à faire comme ils ont fait ceux d'avant, et la même chose. C'est Niyama d'avoir ça, d'avoir justement Al-Hifd. Al-Hifd de cette religion, comment elle était. Comment elle est. Ce sont des textes sacrés. Ce sont des textes qui sont en réalité sacrés et qui restent à protéger. D'où l'importance en vérité de bien connaître le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Fi du'a, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque la personne a dit comme ça, il a juste changé le mot entre Nabi et Rasoul, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a corrigé, il a dit non, comme je t'ai appris. Bila, hein.